Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 32. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 16 avril 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Jockey Club, tu es France Gallo, tu es Général du Pomo, tu es Paris Mutuel Urbain, tu es Dari Boutboul et tu es aussi... Le tiercé, si vous avez joué le 8, le 12 et le 8, vous êtes trompé, vous avez joué deux fois le 8. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es course hippique, tu es sur l'hippodrome. Aujourd'hui, la France compte environ 250 hippodromes. Nulle part ailleurs dans le monde, tu ne trouveras un pays avec autant de champs de course. Et cet après-midi, par exemple, sur l'hippodrome d'Auteuil, dans la 7e, se disputera le prix du président de la République. Alors, à l'occasion de cette course exceptionnelle placée sous l'égide de président Chirac, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'explorer l'univers fascinant des courses hippiques. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de tes hippodromes. Pour commencer, des courses de chars à Rome aux 3500 mètres haies d'Auteuil, il faut retracer l'histoire des courses hippiques. Ensuite, il faudra essayer de dresser une galerie de portraits des personnages que tu peux croiser sur un champ de course. Parmi eux, on enchaînera sur une interview exclusive de l'écrivain Christophe Donner qui viendra nous parler de son expérience de turfiste. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur les liens qui unissent l'homme au cheval de course, nous te dévoilerons les grandes étapes de la vie d'un canasson. Et enfin, te raconter comment Jean-Claude a su traîner Monique sur un hippodrome, histoire soi-disant de renflouer leur caisse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr monte le son et saute par-dessus la haie. Yes, yes, yes. Jumpin' Jack Flash, chanté en 1968 par les Rolling Stones. Jumpin' Jack Flash, car le jumping, le saut d'obstacle, ce n'est pas une course hippique. C'est un sport équestre, c'est différent. Alors, tu l'auras compris, l'ami, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc aux courses hippiques, car dans quelques heures va se courir à Auteuil le prix du président de la République. Une épreuve paradoxale, car on le sait tous, président Chirac, il n'a pas de prix. Et pour commencer, il est nécessaire de s'intéresser à l'histoire des courses hippiques, une histoire qui remonte à l'Antiquité. Jamais je n'ai vu d'aussi beaux chevaux, même à Rome. Ah, si tu voyais leur mère Mira. J'ai hésité à l'amener de peur que mon peuple ne souffre de son absence. Doucement, doucement. Quand ils courront à Jérusalem, ils affronteront les meilleurs attelages du monde. Sans parler du champion de l'Orient, le tribun Messala et ses démons couleur de nuit. Ils ne reculent devant rien pour gagner. Messala ? Dans l'arène ? Oui. Quoi ? Tu le connais ? Oui, je le connais. Peut-être ne l'aimes-tu pas beaucoup. Judas Bénur. Mon peuple appelle de ses prières celui qui remporterait la victoire sur Messala. Tu pourrais être cet homme-là. Tu pourrais faire s'effondrer la superbe de l'envahisseur romain dans le sable de nos arènes. Tu as vu mes chevaux? Il leur suffirait d'un eau riche qui serait digne d'eux. Quelqu'un qui les mènerait avec amour et non avec le fouet. Avec un tel homme, ils iraient plus vite que le vent. Bénur va plus vite que Messala dans l'arène. Et c'est bon. Les courses de chevaux trouvent donc leur origine dans l'Antiquité. Les courses de chars, sous l'Empire romain, se déroulaient dans des hippodromes appelés cirques, dont le plus important fut le Circus Maximus à Rome, qui pouvait contenir près de 380 000 spectateurs. Mais c'est sans doute dans l'Empire byzantin que la passion des courses de chars a atteint son paroxysme. Les écuries des Bleus ou des Verts sont alors de véritables factions à caractère politique. La prise de Constantinople par les croisés en 1204 marque la fin des courses de chars spectaculaires dans l'Empire byzantin. Le renouveau des courses hippiques se fait véritablement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les courses de chevaux entrent alors dans la rivalité entre les rois de France et d'Angleterre. Après les guerres napoléoniennes qui décimèrent la population chevaline en France, la préservation et l'amélioration des races sont une grande préoccupation du XIXe siècle, époque où les haras impériaux et royaux bénéficient d'une grande attention de la part du pouvoir politique. C'est particulièrement le cas sous le Second Empire, avec le grand écuyer de Napoléon III, le général Comte Fleury, qui succède au maréchal Saint-Arnaud, mort en 1854. Un cheval, dit un jour un vieux maréchal, s'il vous plaît, j'ai un fer qui brinque-balle, remettez-le horizontal. Je sors d'un bal, ah, si vous aviez vu ce carnaval, on n'a rien vu plus que de normal, c'est pour ça que mon ferme fait mal. Ainsi, au XIXe siècle, se mettent en place les grandes règles des courses hippiques, dans un but de sélection des races chevalines plus que du divertissement. Le monde hippique est alors celui de l'aristocratie. Le galop et le steeplechase sont les courses reines. Mais le XXe siècle voit la fin du monopole des élites sur les courses hippiques. En 1930 est créé le Paris Mutuel Urbain, le PMU, qui devient rapidement un lieu populaire incontournable. Le PMU qui ferme avant midi, oh là là, oh là, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, oh ça sent si bon la France. Pelote et redise d'air, oh ça sent bon le pays. Avec la création du PMU qui centralise les paris, le joueur n'est plus obligé d'aller à l'hippodrome et les courses de chevaux se démocratisent. Ainsi, pour des millions de Français, pendant plusieurs décennies, les courses hippiques, c'est ça. Ici Léon Zitrone qui vous parle de Chantilly, à l'instant précis où va être donné sur l'hippodrome des Princes de Condé, lequel, comme vous le savez, je pense, appartient à l'Académie française, au moment donc où va être donné le départ du prix de Diane, épreuve ultra classique qui s'adresse aux meilleurs prodiges de la génération, sur la distance de 2100 mètres. Les Français se passionnent pour les courses de chevaux et le tiercé, mis en place en 1954, connaît un énorme succès. Les grands prix sont des moments particuliers dans la vie des parieurs et les chevaux vainqueurs se taillent une belle renommée. Ces chevaux de légende, ils s'appelaient Ourasi, Bellino II, Idéal du Gazo ou bien sûr... C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Les courses hippiques connaissent donc un énorme succès en France et se sont largement démocratisées, sans être cependant abandonnées par l'élite. Ainsi se rencontrent sur le champ de course tout type de turfistes, de l'ouvrier qui joue une partie de son salaire au bourgeois qui joue une partie de ses dividendes. Et tous les deux, parfois, ils ont de grosses surprises, comme ce 5 octobre 1975. Bonsoir. Grosse surprise donc cet après-midi à Longchamp. Les milliers de turfistes qui se pressaient sur la pelouse du célèbre hippodrome ont assisté, médusés, à la déroute complète des favoris dans le prix de l'Arc de Triomphe, qui était aussi, rappelons-le, la course du tiercé. Pour ne citer qu'un exemple, Allée France, archi-favorite à 2,5 contre 1, termine à la 6e place. 3, 2, 13, une combinaison certainement plusieurs fois millionnaire. Dans la tribune d'honneur, quelques visages crispés, vous vous en doutez. Un large sourire aussi, celui du président de la République, venu assister à cette grande épreuve. M. Giscard d'Estaing n'a pas caché d'ailleurs à Alain Trampoglieri que ce fut une belle course, un commentaire digne d'ailleurs d'un turfiste averti. C'était une superbe épreuve et c'est la loi du sport, c'est-à-dire que ce n'est pas ceux que l'on attendait qui ont gagné. Mais je ne sais pas si vous avez vu la conduite de la course, le cheval qui a gagné dans le dernier virage est encore très loin. À l'intérieur du peloton, enfermé, et puis il a réussi à passer au travers du peloton et à arriver très facilement et très détaché. Vous pouvez redonner aux Français, dans l'ordre, les trois chevaux. Ça n'est pas à moi. Vous ne m'aviez pas demandé mon pronostic tout à l'heure. D'ailleurs, vous aviez raison, je me serais trompé. Je me serais trompé. C'est sans doute la seule fois que le président Giscard a prononcé ces mots. Mais attention, si les courses hippiques connaissent un succès indéniable, certains Français restent néanmoins sceptiques devant l'amour immodéré pour le cheval. Le cheval, ce fier bestiau qui est la plus noble conquête de l'homme. Tu parles. Vous savez pourquoi l'homme aime le cheval? Parce que le cheval ne se révolte pas quand des nains bariolés lui balancent des coups d'éperon dans le bide tous les dimanches pour enrichir les connasses emperlousées avec les primes d'allocation familiale des chômeurs. Alors, pour ceux qui n'aiment pas voir les chevaux au galop, la crinière au vent et les muscles tendus par l'effort, pour ceux qui refusent la passion des courses et l'angoisse de l'arrivée, ceux-là peuvent toujours monter sur un cheval dans un manège, on y tourne en rond et c'est plus calme. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah. Planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. La tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Pour m'étourdir autant. manège à moi, reprise d'Edith Piaf, chantée par l'incontournable Dao en 1993. Parce que Môme Piaf, Magique Dao et manège à moi, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est un joli tiercé. Alors, pour continuer notre voyage dans l'étrange galaxie des hippodromes, après avoir survolé l'histoire des courses hippiques, il est temps désormais de nous intéresser à la sociologie des personnages que tu peux croiser sur un champ de course. Parce qu'en effet, qui croises-tu exactement sur l'hippodrome ? Tout d'abord, il faut souligner qu'aujourd'hui, en France, il se dispute chaque jour, en moyenne, 45 courses hippiques. C'est énorme. Et même s'il est vrai que dans le fabuleux univers du jeu, le PMU est confronté à une concurrence de plus en plus féroce, il n'en demeure pas moins qu'il continue d'attirer à lui une population nombreuse qui n'hésite pas, par exemple, à parier plus de 5 milliards d'euros par an sur des canassons qui galopent, qui trottent ou qui sautent. Cela dit, la sociologie des amateurs d'hippodrome, c'est une palette très éclatée. Si tu vas sur un champ de course, tu peux croiser à la fois une rombière, un ouvrier, un aristocrate ou Pierrette Bresse. Mais il y a tout de même une chose qui rassemble tout ce petit monde, à savoir la connaissance du milieu. Et oui, sur un hippodrome, il y a ceux qui savent, et puis les autres, ceux qui voudraient bien savoir. Vous savez ce qu'on devrait faire, mon commandant ? Déjeuner ensemble demain. C'est le jour des quenelles de brochet, hein ? Alors on bavarderait de choses et d'autres, hein ? Eh oui, mais malheureusement, je dois me rendre à Chantilly. Pourquoi vous êtes forcé ? J'accompagne Brunoise. Ah, madame la commandante ? Une pouliche. Une pouliche qui court le prix de Diane. Et il va y avoir une surprise, il y aura au moins 25 contre 1. Pourquoi ? Parce qu'elle va gagner ? Je n'ai pas vu de pouliche comme ça depuis l'avant-hier. Évidemment, il y a les impondérables, c'est peut-être du sport, mais enfin... Les impondérables avec un homme comme vous ? Oui, mais malheureusement, c'est pas moi qui prends le départ. Une pouliche est toujours sujette à des petits tracas divers. Configuration astrale, influence du sexe, des choses qui me sont complètement étrangères, mais dont nous devons tenir compte. Attendez une seconde. Pouvez-vous me mettre 100 000 gagnants sur Brunoise ? Vous pouvez pas me refuser ça, pensez à mon cœur. Attention, si on nous voyait, on pourrait croire que je prends des paris, Dieu sait quoi. Mais mon commandant, pas un homme comme vous. La fragilité des apparences, mon cher. Alors ça oui, sur un hippodrome, la fragilité des apparences prend tout son sens. Il arrive même parfois que certains dictons populaires, à la surprise générale, se vérifient sur un champ de course. Comment dit-on déjà ? Ah oui, aux innocents, les mains pleines. Ceux qui ne connaissent rien aux courses ont enfin une chance de gagner. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Alors là, je dis non. Tout le monde peut gagner au PMU, mais bien sûr, c'est un peu comme 100% des gagnants ont tenté leur chance. Les véritables spécialistes, eux, savent très bien qu'il ne faut pas miser au hasard sur n'importe quel bourrin. Ils connaissent les combines et récupèrent les tuyaux. Pour décrocher le tiercé, il faut avoir une approche quasi scientifique de la course. C'est ce qu'on appelle les turfistes. Ah, nous allons maintenant rêver un petit peu. C'est à deux habitants de Louan, en Saône-et-Loire, que le tiercé record de dimanche a rapporté la plus grosse somme, 37 millions d'anciens francs. Les heureux gagnants sont M. André Nomblot, contrôleur des contributions indirectes, et son fils aîné, Gérard. M. Nomblot et son fils sont deux joueurs acharnés et scientifiques. Ils ont expliqué leur méthode à Georges André. M. Nomblot, 37 755 400 francs, voilà une somme rondelette. Celle que vous avez gagnée hier au tiercé, comment ? Eh bien, avec un facteur chance important, bien entendu. Et puis ensuite, avec une étude, malgré tout, des partants pour établir notre système de jeu. Et ce tiercé assez important, très important d'ailleurs, d'hier, avec une mise de combien, M. Nomblot, hier ? 500 000. 500 000 ? Oui. Et il vous arrive donc de jouer très fort. Ben, ça dépend des courses. Hier... les conditions de la course laissaient prévoir, à mon avis, un tiercé important. C'est pourquoi nous avons mis une mise importante également. À l'opposé de ces gros joueurs qui n'ont pas peur de miser 500 000, encore faut-il les avoir, il y a les trouillards de l'hippodrome, les gagne-petits, ceux qui ne connaissent pas l'ivresse de la flambe. Et en général, aux yeux des amateurs, ces petits bras sont ridicules. Cela dit, ils n'ont pas forcément tort. Tiens, je mettrai mes 5 francs sur le 3, sur le 2, le 22, et voilà. Moi, mon tata, ce qui me fait oublier que je n'ai jamais rien gagné. Papa, c'est le tiercé. Et puis, en effet, il y a ceux qui n'ont jamais rien gagné sur un hippodrome. Ils viennent parier tous les dimanches, mais ils repartent constamment bredouille. Ainsi, poussés à bout par la défaite permanente, ils ont le choix entre deux solutions. Renoncer aux courses, ou alors... Marvin Unger était peut-être le seul, au milieu de 100 000 turfistes, à ne ressentir aucune émotion pendant que se courait la cinquième. Les courses ne l'intéressaient pas, et toute sa vie, il avait méprisé le jeu. Pourtant, il avait misé 5 dollars sur chaque cheval de cette cinquième. Naturellement, il savait que son curieux système aboutirait à une perte, mais ça lui était égal, parce qu'il estimait que perdre 20 ou 30 dollars n'avait aucune importance, étant donné l'énorme somme qui lui reviendrait finalement. Ceci est un petit plan de l'hippodrome tel que je me le rappelle. D'après ce que j'ai pu calculer, j'évalue le coût total à 2 millions. C'est ce qu'il devrait y avoir dans les caisses. Ça comprend le prix des entrées du parking, le pari mutuel, une partie des mises de l'extérieur et les recettes des concessions dans l'enceinte des courses. Oui, sur un hippodrome, tu croises également toute une galerie d'escrocs. Mais attention, tu y croises aussi les représentants de la plus haute aristocratie. La noblesse adore venir constater le triomphe de ses écuries devant une populace crasse mais en liesse. Cela dit, il arrive parfois malheureusement que le noble cheval de course se mange un obstacle sur le parcours. Et là, dans la tribune présidentielle de l'hippodrome, c'est l'effroi. Il faut alors s'empresser de rassurer l'aristocrate. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Alors maintenant, pour compléter notre regard sur le monde des hippodromes, nous avons joint cette semaine au téléphone un authentique amateur des courses hippiques, à savoir l'écrivain Christophe Donner. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé ce qui le fascinait le plus quand il se trouvait sur un hippodrome. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. C'est la victoire. Le plus fascinant, c'est de prévoir une arrivée et de la voir se concrétiser et d'avoir osé jouer. C'est cette conjonction entre un type qui prépare son cheval, qui l'entraîne, qui le drive souvent, qui le monte et qui arrive à ses fins, et un autre en face qui joue sur lui, qui mise sur lui, sachant tout ça, et tout ça se retrouve en quelques secondes dans une ligne d'arrivée où le triomphe est total, l'amour de l'un envers l'autre est absolu. Et puis le cheval au milieu qui sert de lien. Et vous dépensez beaucoup d'argent, vous ? Oui, ça m'arrive, oui. Et est-ce que vous avez des combines pour gagner ? Bah, si vous voulez, il y a deux choses. Soit on veut gagner, soit on ne veut pas gagner. Hein ? Ah. Bah oui, on n'est pas obligé de jouer pour vouloir gagner. On peut jouer pour jouer. Mmh. On peut jouer pour s'amuser, on peut jouer pour participer à une émotion, on peut jouer pour se... éprouver soi-même, éprouver ou sa chance, ou son intelligence, sa perspicacité. Et ceux qui veulent jouer pour gagner, et ben, ce sont des initiés, des gros joueurs, des vrais joueurs, ceux qui gagnent. Ce sont pratiques sans arrêt, le délit d'initié en permanence. C'est-à-dire ce sont des gens qui savent des choses que les autres ne savent pas. Mmh. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. C'est évidemment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que des gens qui mise des grosses sommes, c'est les mises sur des choses que d'autres ne savent pas, soit parce qu'ils sont en cheville avec l'entraîneur ou avec le jockey, ou ils ont entendu des choses, et ça fonctionne, ça fonctionne pas non plus, c'est pas non plus garanti à 100%. Alors oui, ça c'est sûr, la victoire au tiercé n'est jamais garantie à 100%. Mais en réalité, Christophe Donner, est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur moyen de gagner de l'argent avec les courses hippiques, c'est finalement de posséder sa propre écurie ? Ah ben moi, oui, si j'étais riche, c'est la première chose que je ferais. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que c'est des gens, c'est une élite, une oligarchie comme ça, de gens qui sont, dont les grands-parents étaient déjà là-dedans, les arrière-grands-parents, et courent des prix qui portent le nom de leurs ancêtres, ils montent des chevaux que leurs arrière-arrière-grands-parents ont fait saillir, et tout ça est charmant. Et quand on n'est pas, on peut pas rentrer dans ce monde-là autrement qu'avec de l'argent, et même avec de l'argent, c'est difficile. Des types très friqués qui tout à coup s'intéressent aux courses et qui veulent rentrer dedans, il y a une espèce de résistance, de réticence des autres. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup qui s'incrustent. C'était Christophe Denner pour La Panique au Mangin Palace. I got a room at the old Chimisot town. I counted all the palm trees on the wall. I woke up in the morning with a song played by the circus down the street. I saw you rush before and the bus flying to play your sons of fame, I guarantee. I looked at you so deeply, you turned to me. The Last Wig chante Bars sur l'album Under the Trampoline. The Last Wig, la dernière perruque, parce que de Karl Lagerfeld à Rocco Siffredi, la dernière perruque à la mode, ben, c'est la queue de cheval. Alors, pour continuer notre aventure chevaline, La Panique au Mangin Palace te propose maintenant une expérience extraordinaire, te mettre dans la peau d'un cheval de course. La vie d'un pur sang, ça commence rarement par une histoire d'amour. Non, dans les haras, le but, c'est d'améliorer ou de conserver des races. Alors bien sûr, pas question de laisser faire le hasard dans la reproduction. Par exemple, au haras, le perroquet, l'éleveur Monsieur Michaud a choisi les parents selon leur patrimoine génétique. Mais bon, peu importe, car un jour le petit poulain naît. Oh, c'est une fille. Comme la mise à bas fut difficile et qu'elle a une belle tête, on l'appelle alors Bouille de Courage. Elle est toute fragile et tient maladroitement sur ses pattes. Alors quand la fille de Monsieur Michaud voit le nouvel animal, c'est le coup de foudre. J'ai dans le cœur un grand ami secret. Un grand bonheur, c'est mon petit poney. J'ai dans ma vie un copain qui me plaît. Doux et gentil, c'est mon petit poney. C'est pas un poney, c'est un poulain, sale môme. Alors voilà. Bouille de Courage, à peine sevrée, il est question très vite de la débourrer, c'est-à-dire de commencer à dresser la jeune pouliche. Et là, tout est question de persévérance, de doigté et surtout de patience. Les talons, descendez les talons, vous êtes au pas, restez au pas. Là, le flot à droite. Voyons. Les talons, monsieur Guy. Allons serrer, voyons. Les talons. Les rênes sur leur plat. Ainsi, la jeune pouliche s'habitue peu à peu à l'homme. Elle se laisse monter et caresser la croupe. Sa robe est belle et son palefrenier attitré s'en occupe avec attention. Monsieur Michaud, l'éleveur, jauge surtout le potentiel de l'animal et il passe des heures à regarder Bouille de Courage évoluer dans le manège. Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à des ailes? Cours bien vite dans le vent, oui, la vie est belle. Eh oui, la vie est belle car Monsieur Michaud va bientôt faire courir sa pouliche. Mais il faut trouver un jockey à bouille de courage. Et là, chose incroyable, l'éleveur a la chance de tomber sur un amoureux du cheval, Monsieur Léon. Monsieur Léon, pom, pom, pom, pom, si gentil et si rond, patapon, patapon, ne gagnez jamais au tiercé. Eh, eh, une cure sévère lui fut salutaire. Il est gagnant, mais comme jockey. Oui, Monsieur Léon a tout pour être un excellent jockey. Il aime les chevaux, à qui il murmure à l'oreille de petits secrets. Il a la confiance de l'entraîneur et surtout, surtout, il est... Petit avec des grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles. Ne regarde pas comme ça, essaye d'oublier que tu es petit avec des grandes oreilles. J'ai beau y réfléchir, je ne sais pas pourquoi tu es petit avec des grandes oreilles. Bouille de courage, monté par Monsieur Léon, remporte quelques courses. Les années passent et il est maintenant temps de songer à la reproduction de Bouille de courage. Monsieur Michaud, l'éleveur, cherche alors un bel étalon à l'ascendance prestigieuse. La saillie est naturelle et tout se serait bien passé si le propriétaire de l'étalon n'était pas parti en oubliant un petit quelque chose. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Alors voilà, Bouille de courage est pleine. Après 11 mois de gestation, la jument donne naissance à un magnifique poulain. Elle en est fière de son petit. C'est sûr, ce sera un grand champion. Monsieur Michaud, l'éleveur, est tout aussi fier de cette nouvelle bête dans son haras. Alors qu'ils gambadent dans les prés, Bouille de courage et son petit poulain font preuve d'une totale insouciance face à l'avenir. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Mais Bouille de courage et son petit poulain n'ont pas à s'en repentir. Au haras de Monsieur Michaud, on y est bien. Le palefrenier apporte régulièrement de la paille en abondance. Il y a toujours un lad pour donner un coup de brosse. Et Monsieur Michaud fait même parfois venir un vétérinaire et un kinésithérapeute. Cela dit, Bouille de courage a un rêve secret. C'est qu'un jour, Monsieur Michaud décide de tout vendre pour l'emmener au paradis du cheval. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Hélas, pour Bouille de courage, Monsieur Michaud, qui est un être très humain, a des projets beaucoup plus lucratifs. Quand il n'a plus l'utilité de sa bête, Monsieur Michaud, il sait comment s'en débarrasser. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne. Fin sinistre de la vie d'un cheval. Cela dit, de voir cette jument partir pour l'abattoir, la fille de Monsieur Michaud, elle fait vraiment la tronche. Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Tout bien, tout, tout, tout. Fleurs de saison, chanson interprétée par Émilie Simon sur son album intitulé Végétal. Fleurs de saison parce que, tout comme Fleurs d'oranger, Royal du Poitou ou Galouzeau de Villepin, tout ça, ce sont de très beaux noms pour des chevaux de course qui veulent franchir les obstacles. Alors, pour poursuivre notre exploration dans l'univers des canassons, il est grand temps maintenant de retrouver nos deux turfistes préférés, les indomptables Monique et Jean-Claude, qui sont donc allés, le week-end dernier, tenter leur chance de débutant sur l'hippodrome le plus proche de chez eux. Au départ, c'est surtout Jean-Claude qui a beaucoup insisté pour qu'ils aillent parier quelques billets sur cette course de trot attelé qui se déroule à quelques kilomètres de la maison. Monique trouve l'idée fantaisiste et saugrenue, mais elle finit par céder quand Jean-Claude lui avoue la véritable raison de cette soudaine passion pour les courses hippiques. Avec mon banquier, c'est la guerre. Je suis à découvert depuis des millénaires. Interdit de checker, je n'ai plus de carte bancaire. Jusqu'à présent, Monique ignorait totalement les ennuis pécuniaires de Jean-Claude. Elle est inquiète et se dit en effet qu'il faut le sortir du rouge. Mais pourquoi aller risquer de perdre encore un peu plus d'argent sur un hippodrome ? Jean-Claude sait alors trouver les mots et dit à Monique qu'il n'est pas un novice du monde hippique. Papa aimait les petits bourrins, à Auteuil, Vincennes ou Enghien. Et tous les jours de la semaine, il s'en allait les poches pleines de tuyaux plus ou moins certains. Papa aimait les petits bourrins. Monique, qui a toujours fait confiance au bon sens de son beau-père, accepte donc d'aller avec Jean-Claude au champ de course pour tenter de miser sur quelques bourrins. Initié à ce milieu, Jean-Claude a même pris soin de ne pas négliger certains détails importants. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. Tous deux chapeautés, Monique et Jean-Claude se rendent donc au galop à cette réunion hippique sur l'hippodrome de la Chevauchée Fantastique. À peine arrivés, Jean-Claude se rue sur les programmes officiels et décide qu'ils joueront leur ticket dans la troisième. Il a repéré le nom d'un entraîneur hippique célèbre. C'est sans doute une bonne affaire. Sa pouliche s'appelle Reine de Saba. Jean-Claude demande alors à Monique sur quel cheval elle va miser. Pour elle, il n'y a aucun doute. Calamity était une beauté, tout le portrait de son père. Elle avait comme lui des yeux ravageurs et une jolie barbe en fleurs. Jean-Claude, ça l'exaspère. Pour lui, les femmes choisissent toujours les chevaux sur lesquels elles vont parier uniquement en fonction de leur nom. C'est ridicule. Mais bon, tant pis, il est déjà l'heure de s'approcher du paddock pour observer les chevaux juste avant la course. Et comme le lui a appris son père, Jean-Claude veut murmurer quelques trucs à l'oreille de la pouliche sur laquelle il a misé. Mais alors qu'il est tout près des canassons, Jean-Claude s'adresse stupéfait à la jument. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents ? Et me le happas-tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant. Ta tête était sur mon épaule. Tu m'as dit penche-toi que mes lèvres te frôlent. Mais de tes incisives longues et pointues, pourquoi pris-tu mon lobe et me le mordis-tu ? Reine de Saba a donc mordu Jean-Claude, ce qui fait bien marrer Monique. Mais bon, attention, c'est l'heure. Ça y est, c'est parti, la course est lancée, les chevaux font un boucan d'enfer sur un terrain lourd et humide. Le canasson de Jean-Claude semble très bien parti et, enfin connaisseur, il commente la course tel un nouveau Léon Zitrone. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui. Devant. Reine de Saba est donc devant. Jean-Claude est ravi. Au passage, il s'inquiète tout de même de savoir si le cheval de Monique tient la corde. On ne sait jamais. Et lui demande donc quel était déjà le nom du cheval sur lequel elle a parié. Mais bon, Monique, elle, ne semble pas très concentrée. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. Jean-Claude est furieux. Comment peut-on ne pas se souvenir du bourrin sur lequel on joue son salaire? Il est exaspéré. Mais il ne reste déjà plus que 800 mètres avant la ligne d'arrivée et Reine de Saba est toujours en tête. Jean-Claude prie intérieurement. Si ce maudit canasson emportait cette course, ça renflouait ma bourse et noierait le poisson. Si ce maudit canasson emportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça saurait la saison. Donc plus que 600 mètres et Jean-Claude sera riche. Il écoute alors le speaker, relayé par des haut-parleurs, commenter en direct l'arrivée de cette course épique. Reine de Saba, dans son allure souple et coulante, est toujours en tête et semble devoir gagner ce prix de gamme. Mais non, voici qu'en pleine piste, une jument arrive. Brunoise, Brunoise, suivez-la sur votre écran, son jockey porte une toque claire sur une casaque foncée. Brunoise en pleine piste, Brunoise que l'on n'attendait pas à pareil fait, Brunoise qui attaque Reine de Saba, Brunoise qui va vraisemblablement maintenant gagner ce prix de gamme. Mais Brunoise n'a jamais rien fait, monsieur, jamais. Oui, elle ne peut plus être battue. Brunoise qui enlève ce prix de Diane par une longueur et demie devant Reine de Saba. Oh là là, nom de Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais c'est démentiel. Je désennuie, toi. Raconte. C'est la désillusion totale. Reine de Saba s'est faite griller sur le fil. Jean-Claude s'énerve violemment et déclare que ce cheval lui doit de l'argent. Quand, tout à coup, trois énergumènes interpellent Jean-Claude. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te reçut. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Jean-Claude prend alors conscience de sa nouvelle situation catastrophique. Monique tente de le rassurer. Ils trouveront une solution, ce n'est que de l'argent. Mais Jean-Claude a honte et accepte sa destinée. Si je suis seul au monde, je l'ai bien voulu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Au final, énorme coup de théâtre. En réalité, Monique s'est plantée et a tout misé sur Brunoise, l'outsider vainqueur coté à 305 contre 1. Résultat, ils sont riches. Fin de l'histoire, toutes ces émotions ont creusé l'appétit de Jean-Claude. Il s'est donc enfilé un hamburger avec un steak de cheval. Autrement dit, désormais, il a l'étalon dans l'estomac. Mais c'est surtout une nouvelle vie qui va commencer pour Jean-Claude. Pour moi, la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Et je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer, chante le cowboy Johnny Hallyday en 1963. C'est ce que ne manquera pas de dire tout à l'heure celui qui trouvera le quintet plus dans l'ordre sur l'hippodrome d'Auteuil pour le prix du président de la République. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre chevauchée fantastique dans le fascinant univers des courses hippiques. Du grand Léon Zitrone à la pouliche de Jean-Claude, des éleveurs aux jockeys et des auriges dans les arènes au pur sang dans les paddocks, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peuvent être les courses de chevaux. Alors, c'est quoi les courses hippiques aujourd'hui ? Eh bien, c'est à la fois un sport et un spectacle qui attire des foules tous les week-ends sur les hippodromes. Assister à une course de chevaux, c'est l'assurance de ressentir des émotions fortes face à la puissance de la bête en mouvement. C'est aussi pour certains et certaines l'occasion de se montrer. Et là, c'est fou rire. La rombière en goguette, avec un chapeau vissé sur la tête, c'est pas toujours du meilleur goût. Mais les courses hippiques, c'est aussi un jeu et un divertissement. Le Paris Mutuel Urbain brasse des milliards d'euros chaque année. Le PMU, c'est le premier centre de paris hippiques en Europe et le deuxième au niveau mondial, juste derrière le Japon. Cela dit, le monde du cheval, aujourd'hui, c'est un secteur économique un peu fragile, mais qui pourtant fait vivre des milliers de personnes. Les éleveurs, bien sûr, mais aussi des vétérinaires, des palefreniers et tous les employés des haras. Oui, pour tous ces gens-là, le tiercé, c'est leur dada. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh mais, je fais le cheval qui sort central. Alors, pour élargir notre regard sur le monde hippique, aïe. La panique au Mangin Palace va te murmurer quelques pronostics pour les grandes courses à venir. En ce moment, le cheval favori, c'est Libéralisme à tout craint. Un peu bourrin, c'est un teigneux, qui avance avec des œillères. Un autre cheval, bien coté lui aussi, c'est Stock Option, un fougueux canasson dont certains propriétaires disent le plus grand bien. Mais attention, qui pourrait s'écrouler à tout instant. Moralité, quand on n'a pas une santé de cheval, on ne fréquente pas les hippodromes. En revanche, la panique te déconseille fortement de miser sur Acquis du Social, un cheval qui n'a plus la cote. Et que beaucoup aimeraient revoir retourner au paddock. Mais bon, une remontée est toujours possible. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. De comprendre. Une seule vie au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura.